la reine, la chèvre d'or. Troisième partie. Chapitre 11. Panier de souhait. Cette aventure a créé tout de suite une sorte de complicité entre Mademoiselle Norette et moi. Mademoiselle Norette a voulu, accompagnée de Gantôme, qui ne la quitte plus d'un pas, me faire visiter de fond en comble d'abord ma tour, décidément bien sarrasine, puis le château, proprement dit, curieux, encore, quoique moins ancien, un petit logis renaissance, mais bâti sur le plan des maisons arabes, de sorte que l'on s'étonne, comme d'un anachronisme, en découvrant au plafond de l'escalier, presque méconnaissable, déjà sous les couches de chaux superposées, quelques naïfs bas-reliefs inspirés de l'Iliade. Un Agamemnon portant la toque du roi François, une dame que, sans le nom de Briseis inscrit sur une banderole, je prendrai pour Diane de Poitiers. En revanche, la cour a gardé un caractère oriental des plus purs, avec son puits à margelle basse, ses niches creusées dans le mur pour servir d'étagère, le double rang de galeries par où s'éclairent les chambres sans ouverture sur la rue, et l'énorme vigne centenaire qui, jaillissant d'un angle du sol carrelé, la recouvre presque tout entière de ses bras tortueux et noirs, de ses pampres chargés de grappes dans lesquelles, à midi, des pigeons roucoulent. L'intérieur est un vrai musée, sans compter quelques portraits d'ancêtres suffisamment rébarbatifs, partout des tentures aux vives couleurs provenant de Smyrne et d'Alep, des armes damasquinées, des lampes de formes bizarres, des tabourets, des tables, des miroirs à incrustation de nacre font au milieu des meubles d'il y a 100 ans le fouillis le plus bizarre du monde. Rien d'ailleurs qui sente le culte du bibelot inconnu, Dieu merci, sur ces hauteurs, mais quelque chose de patriarcal, la trace laissée de plusieurs générations. Mademoiselle Norette m'explique qu'en effet, on a de tout temps beaucoup voyagé dans la famille. Puis elle ouvre un petit coffre en chêne, cerclé de bandes de fer, et me montre des colliers en perles, en corail, ayant généralement pour agrafe une monnaie grecque ou bien une pierre gravée antique, des chapelets de sequins, de lourds bracelets d'argent, des gorgerins d'un style raffiné et barbare. Toutes sortes de joyaux rapportés de très loin à des aïeuls, des bisaïeuls dont elle se rappelle les noms. Je demande à voir la clochette. Mademoiselle Norette se trouble. Mademoiselle Norette, paraît-il, ne l'a plus. Elle l'a rendue à son père, qui y tient beaucoup comme souvenir. Surtout, ne lui racontez pas ce qui est arrivé, ne lui dites jamais que vous l'avez eue entre les mains. Et pour rompre une conversation qui la gêne, tout au fond du coffre, elle découvre un corbillon d'osier tressé. Quelle richesse nouvelle renferme-t-il sous le carré de vieux satin qui précieusement l'enveloppe? Un œuf, un grain de sel, un morceau de pain bis et un petit bâton portant un brin de laine au bout. « Ce sont les souhaits !» dit Norette. « Les souhaits ?»« Oui, les souhaits et les présents que l'on m'apporta dans mon berceau !» lorsque j'étais âgée d'un jour. Comme au temps des fées, précisément. Mais depuis longtemps, les fées étant mortes, 4 vieilles femmes, généralement, les remplacent. Des voisines ou des amies, respectueuses des usages qui se donnent quand il y a quelque part une fillette nouveau-née, cette importante mission. L'idée leur en vient tout à coup. Au four, au lavoir, en causant du beau temps et de la pluie. La chose décidée, elles passent leur robe de grand-messe, un bonnet de neuf repassé et se présente. Le petit bâton, qui symbolise une quenouille, est là pour que la fillette, en grandissant, devienne active et laborieuse. Le sel, pour qu'elle reste pure. Le pain, pour qu'elle soit bonne comme le bon pain. Et l'œuf ? Demande Gantôme. À quoi sert l'œuf ? L'œuf, répond Norette avec le plus grand sérieux, est pour qu'elle fasse un heureux mariage et pour qu'elle ait beaucoup d'enfants.